Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Misère du monde n'en finit pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? La misère du monde n'en finit pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Les gens riches, ça va. Les autres n'en finissent pas de crever leur tombe. D'ailleurs, même sans tombe, les gens riches, ça va. Pas de soucis à se faire, non pas de problème, non rien que des petits. Rien que des petits trucs comme ça. Oh, j'ai foulé un ongle, je me suis arraché un cheveu. En travers, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Un petit lifting, un petit truc comme ça, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh bon, ça, je m'achèterai une Porsche demain, une Lamborghini plus tard, puis voilà. Une robe de soirée, monsieur, avec des gros bijoux, un sac Chanel. Aventurier, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, Gucci. Si je vais là, j'en veux encore plus parce que j'en ai déjà. Ah, les gens riches, ça nous soucie tellement de ce qu'ils n'ont pas. La pauvreté, ils ne l'ont pas, donc ils s'en soucient tellement. Oh là, mon Dieu! De la misère humaine, ils s'en foutent pas mal. Bien au contraire. Ah, protéger le pauvre, oh là! Se protège soi-même déjà. Et tous les intérêts. Oh, les intérêts. Mon Dieu, est-ce que ça va capitaliser cette année? Ou qu'est-ce que ça va faire? Putain! Oh, j'ai pas gagné assez. Oh, il me manque quelques millions aux milliards que j'ai. Oh, je suis riche, mais ça ne me va pas, il m'en faut encore plus. Pour faire quoi de mieux que de rien de plus? Oh, mais écoute, on n'en a jamais trop. Voilà le dicton, on n'en a jamais trop, hein. Et puis voilà, comment les pauvres s'affaiblissent? Les gens riches croient. C'est croissance, quoi. C'est croix. Ils croissent.